Strike sur la France. Fait que depuis son popo. YZ. L'âge de paix. Fianso. C'est l'écran de la cité. Fait que depuis son popo. Débarque pour striker la France. Et Sarkoko. 5-9, j'ai des terreaux. Tu sais, c'est le danger. Pète comme un carreau. Que des rêves enragés. C'est l'écran de la cité. Fait que depuis son popo. Débarque pour striker la France. Et Sarkoko. 5-9, j'ai des terreaux. Tu sais, c'est le danger. Pète comme un carreau. Que des rêves enragés. Frère, j'envoie des lignes de guerre. Va défendre mon territoire comme de Gaulle. Pour ma ville, j'ai les boules pour striker la France. Pour ma vie, pas un rond pour parler de ma souffrance. J'ai l'âge, rage, engagé, enragé. C'est 5 de plus au popo posé. Ouais, mais c'est défoncé. C'est pas la CC. Pour cette vie sans cadeau, allume ton joint de popo. 5 de plus au micro, en info, l'info. On vient striker la France sur le ghetto. Sans veto, ni lauréat. Même si on veut tous briller comme L'Oréal. Entrer dans la légende comme le Real. Vu que le combat continue comme l'idéal. J'y baisse pas ma garde jusqu'au jour J. Aujourd'hui, après 20 ans d'existence, tente ma première chance sur mixtape. C'est strike sur la France, on baisse les buts et les balances. C'est 5-9 sur OP. 5 de plus au stop. Prêt à faire un tarpé. Nous on tire nos charbons. Aux amateurs de braco. Pour l'état c'est le fiasco. Vu que les miens on les crocs. Esquive les crocs et les lois de Sarko. C'est le fianso. Mike froid comme des glaçons. Régénération. Prends le rap d'assaut. S-A-N-O-M l'âge de paix. Tu dirais pour faire la guerre. Pour les B-O-N-H-O-M. Tu restes bien. Frère tu sais qu'on est montré du doigt. Après une seconde quand on jette des dalles du doigt. Et t'es quoi. T'es beau. Tu sauveras ton honneur et en même temps ta peau. Sache qu'il t'arrivera mal. Débarque pour striker la France. Et Sarkoko 5-9, j'ai des terreaux. Tu sais c'est le danger. Pète.